Ma première ivresse passée, l'absence de cette burette devint pour moi une obsession. Je ne rêvais plus que burette. La triste burette survivante me semblait prendre des airs de veuve, et je conçus cet espoir fou de remplacer la burette perdue. En ai-je acheté, pendant 10, 20 ans, des burettes et des burettes. Il y a eu bien quelques à peu près dans le tas, mais aucune, hélas, qui se rapporta et put faire le pendant rêvé. Car, de même que dire des observateurs, il ne se rencontre pas deux feuilles de chêne exactement semblables sur un chêne, de même, c'est chose impossible que de trouver sa sœur à une burette dépareillée. Et pourtant, l'impossible eut lieu. Un jour, au fond d'un village perdu, dans une misérable auberge où je m'arrêtais quelquefois en tournée de visite pour casser une croûte et laisser cocotte souffler, j'aperçus sur le coin de la cheminée, parmi les ustensiles hors d'usage, une burette, ma burette. C'était elle. Je la reconnus, malgré la poussière et la crasse, à l'élégance de son galbe, à l'éclat ingénu de son émail, et aussi, mais vous allez rire, à cet étrange serrement de cœur qui fait pressentir, presque sans qu'on voit, aux collectionneurs comme aux amants, l'objet rare et la femme aimée. Je voulus l'acheter, mais sans doute je me pris mal et laissai trouver mon désir. L'aubergiste refusa, refus que je compris sans appel. La burette avait toujours été là, elle lui venait de sa mère.